lever est une mauvais pied. J'sais pas ce que j'ai, j'sais pas ce que j'ai. J'ai mal dormi, j'suis fatigué. J'me sens paillé, paillé, paillé. Ça va? Non, ça va pas. Souris. J'ai pas envie. Tu joues? Non mais t'es pas fou, non? Tu fais la tête? Lâchez-moi les baskets. J'suis bougon, bougon, bougon, bougon. Hey, hey. Bougon, bougon, bougon. J'suis bougon, bougon, bougon, bougon. Ça va pas. Aujourd'hui je suis mal luné. J'ai des douleurs, j'ai du malheur. Je suis de très mauvaise humeur. Faut pas me toucher, faut pas me chercher. Je suis bougon, bougon, bougon, bougon. Hey, hey. Bougon, bougon, bougon. Je suis bougon, bougon, bougon, bougon. Hey, hey. Bougon, bougon, bougon. Je suis bougon, bougon, bougon.